suffocation in some stupid little town. A black killer et toutes la tribu. Bienvenue dans la 101e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure. Merci d'avoir autant participé pour la cette fameuse 100e. Merci à Benoît d'être passé et merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cette petite aventure. On commencera tout de suite avec Dream Shall Believed, le nouveau Beneath My Sin, c'est sur l'album Valkyrie of Modern Time, sorti le 2 mars 2017. On retrouve From the Flame, The Beauty in the Witch et Fly Raven Fly. Allez sur la page Facebook de Beneath My Sin, ils sont aussi sur toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, Freaks, le nouveau Wide Mighty Freaks, c'est sur l'album Guns and Cookies, c'est un EP 6 titres sorti le 24 février 2017. On retrouve Empty Sky, Jungle, le Pastime et I Get Out My Way. Allez sur la page Facebook, ils sont aussi sur Bandcamp. On continue avec une autre nouveauté. Ah ouais, cette semaine, ça attaque fort les nouveautés. Avec Shitaik de Samo, c'est sur l'album Pop Tier, c'est un EP 7 titres sorti en 2017. On retrouve Never Down, Shitaik, Travel Alone, Face et Storm. Now. Alice in Peril's Garden et Pride. Allez sur la page Facebook de Samo, il est aussi sur Bandcamp et YouTube. On écoutera ensuite un petit classique, Madness en vinyle de Madness, c'est sur l'album One Step Beyond, leur premier album sorti le 19 octobre 79. On retrouve Nightboy Kutukero, In the Middle of the Night et One Step Beyond. Ah oui, un grand classique. Et on finira ce bloc en live avec Judgment Day de Whitesnake. C'est sur l'album Slip of the Tongue, leur 9e album sorti en 1989, le 18 novembre exactement. On retrouve Cheap and Nasty, Now You're Gone et The Deeper the Love. Du son culte. We'll be right back. fear, we fight the raging waves. Skies turn crimson and roar with thunder. Once again, gods are challenging us for what we are. Whatever they will send, we will prove we're true believers. And Cinderella, I'm gonna make you sneeze mozzarella till it's for pizza, the salt calera. And did I eat the fruit of your trance, y'all? They call me freak, cause they can't understand. I'm a dream chaser, hereafter is my land. I'm rebuffed, but you collapse is my end. It's scream, but I stand like I didn't give a damn. A big vampire, a big bitch, y'all. No life to start a movie, I can switch, y'all. No happy hand, you will rest 6 feet, hurt. Why my chief freaks hit me the world? I hear that feeling on my head. It's turned me over, tonight I lose my control. I'm mega free, it's time to break. Run away, cause I'm a motherfucker monster. Monster, not a monster, monster, not a monster, monster. Cause I'm a motherfucker monster. Monster, not a monster, monster, not a monster, monster. Cause I'm a motherfucker. So, the nightmare begin, I'ma be my own. It's like Tupac and Biggie. French schizophrenia, it's literally the first thing you could ever imagine. I'm a black set of clothes, red hot black breast, fear my clover. This is blue rich, I present in a freezer. I'm a taboo, like a fuck Diana. Crazy head, monster, I'll do anything. Stronger, I got bliss, girl, I got power. Feel my soul, can the hour, baby. We're gonna get you like it was the mirror. Get your head off at me, there's a saver. No happy hand, you be rest 6 feet, her. Why my chief freeze, hit it with the world. I hear that music on my head. It's turning over. Tonight I lose my control. I'm making free. It's time to break. Run away. Cause I'm a motherfucker monster. Monster, monster, monster, monster, monster, monster, monster. Cause I'm a motherfucker monster. Monster, monster, monster, monster, monster, monster, monster. Cause I'm Rastaman, I'm Mr. Darren Hill, pull up, gunshot. Motherfucker, give me the mic and dance non-stop. Texel, test me what this fuck's it. dead. Represent myself, they bad, I'm not the best. Kill them, spend them on, it's all a mashup. Kill them, light it up, I don't care. Kill me, I'm a rum man, no man a this kind of. Mash up the rig, set up on the lighter. Who need a me tune, no get me tabada. The power don't let pass, I compagne, they do me soldier. I'm dead, I'm dead. If you feel that part of me, girl, I'm gonna make you die. Cause I'm a motherfucker monster, monster, monster. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Madness, they call it madness. I'm about to explain it. I think someone is losing their brain. Hey, madness, madness, I call it black. Night. Vous êtes bien dans la 5e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de commencer avec Dreams Shall Be Lived, le nouveau Beneath My Sins, Freaks, le nouveau Wide Mighty Freaks, Shit Like, le nouveau Seymo, Madness en vinyle, ah oui, celui-là il craque, il croustille, ça fait du bien aux oreilles. Et on a fini ce bloc en live avec Judgment Day de Whitesnake. On continuera cette émission avec Stormbringer de Deep Purple, c'est aussi le titre de leur 9e album sorti en novembre 1974. On retrouve Love Don't Mean A Thing, Holy Man, Eyeball Shooter et du son Kulk. On continuera avec Stay Free de The Clash, c'est pour Alex de Paris, qui c'est sur l'album Giving Em Enough Rope, sorti le 10 novembre 1978. On retrouve English Civil War, Tommy Gunn, Last Gang in Town, un classique de chez Classic. On continuera avec une autre nouveauté, Embrace the Fire, le nouveau One Last Shot, c'est sur l'album Even Cowboys Have Sundays, sorti en 2017. On retrouve I'm a Gambler, Join the Club et Feel Alright. Allez sur la page Facebook du One Last Shot, ils sont aussi sur Bandcamp et j'espère les voir bientôt sur les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, Toxic War, le nouveau Toxic Frog, c'est sur l'album de Mermaid Song, sorti le 30 janvier 2017. On retrouve Scott Is Back de Mermaid Song et Fuck You. Allez sur la page Facebook de Toxic Frog, Bandcamp, elles sont sur YouTube et toutes les plateformes légales. Et elles cherchent des dates, donc amis, associations, pensez à Toxic Frog, elles sont de Lyon. On finira ce bloc en live avec Gangsters de The Specials. C'est sur l'album Specials, leur premier album sorti le 19 octobre 1979. On retrouve Message to You Rudy, Too Hot et Too Much Too Young. Dark cloud gathering, breaking the day. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. out. What? No one. Burn rolls, no stone. Hark you! Ça, c'est un grand moment de Ska Live. Vous êtes toujours dans la 101ème Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Stormbringer de Deep Purple, Stay Freeze, The Clash, Embrace the Fire, le nouveau One Last Shot. Allez sur la page Facebook de One Last Shot. On a continué ensuite avec Toxic War des Toxic Frogs. Allez sur la page Facebook des Toxic Frogs et on a fini ce bloc en live avec Gangsters de The Specials. On continuera cette émission avec Molly Lips de Nirvana. C'est sur l'album Incesticide sorti le 14 décembre 92. On retrouve Dive, Son of a Gun et Aneurysm. Il me manque, moi, Kurt, il me manque. On continuera avec L'Envie de Zebda. C'est sur l'album Comme des Cherokees, leur 6e album sorti le 25 août 2014. On retrouve à suivre Les Petits Pas, Appel d'air. Moi, je les adore. Vivement qu'ils refassent un truc et c'est dommage que cet album ne soit pas assez diffusé. On continuera avec un grand classique, Take It All de Winston McAnuff. C'est sur l'album Nostradamus, sorti le 15 septembre 2008. On retrouve Slave Driver, Pick Up et Nostradamus. Il a une carrière qui a presque 50 ans quand même, hein. Ça fait assez énorme. On continuera avec une autre nouveauté, Creepy Slug de Stupeflip. C'est sur l'album Stupvirus, leur quatrième album sorti le 3 mars 2017. On retrouve The Antidote, Night of the Chaos et Understup. Allez sur la page Facebook de Stupeflip, ils sont sur Bandcamp. Il y a des clips, le clip de ce titre, Creepy Slug, il vient de sortir et sur YouTube il est énorme. Allez-y et partagez, surtout partagez, parce qu'ils galèrent Stupeflip et pourtant ils sont adorables. Et on finira ce bloc en live avec Sauvagerie de OTH. C'est sur l'album Le Live, sorti en 2012. On retrouve Cœur de Chien, Sauvagerie et Tant qu'on a que la haine, du son culte et classique. Par en sucette, en gicle par la voie désert. de tous ces gens venus du désert. Comment les mettre tous dehors? Le kérosène vaut de l'or. Tant pis si on n'a plus le sable, on est trop autour de la table. C'est pas qu'on est gars en pierre, on va pas nourrir la terre entière. Putain, c'est quoi ce raccourci? Je pars pas, je dis pas merci. Oh, l'envie, j'ai du mal à faire, j'ai du cœur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, j'ai du cœur. Je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas le remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais cacher le jeu. L'envie, j'ai du mal à faire, j'ai du cœur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, j'ai du cœur. What you do? If you've been good, it means it must be true. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Stop, vas-y coupe ta dope, je débouche tes feuilles au test tube. J'suis pas bis, j'suis pas love, j'suis pas chou, pas choups. J'fais des tours de passe-passe, j'cours pas devant un pouce-pouce. Faut que tu le saches, j'suis comme une poêle qui attache. J'ai le flip pauvre tâche, coup de hache de la SFH. La musique ça déchire, c'est le stup crew. Les morts vivants se lèvent quand le stup crève, crève. Grosse dédicace à tous les morts nés. Chaque attaque te plaque, mec si tu croyais que c'était mort. Non, non, la musique ça déchire, c'est le stup crew. Si tu croyais que c'était mort. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Je coupe ma côte à l'os, vas-y goûte là. Les mômes chialent de peur quand je débarque avec mes coutes là. Tu flippes là, t'as trop jacté, faut que tu t'éclipses là. Tu rames pétrifié, t'as pas les clés car elles sont planquées là. C'est planté là, t'écoutes le son, c'est dans ton cerveau là. Tu calcules le beat, c'est comme ton cœur, tu l'entends battre là. Tu tripes là, la boucle flotte dans ton cerveau là. Écoute là, ta tronche est moche, vas-y floute là. La musique ça déchire, c'est le stup crew. Les morts vivants se lèvent quand le stup crève. C'était mort, non, non. La musique non, ça déchire, c'est le stup crew. Les morts vivants se lèvent quand le stup crève, crève. Grosse dédicace à tous les morts nés. Chaque attaque te plaque, mec, si tu croyais que c'était mort. Dans le crew, pas de sourire, on fait pas la fête, non. La feel good musique, j'en ai rien à foutre. Je te vois qu'elle est chocotte et les pipelettes caquettes. Les carottes sont cuites alors à quatre pattes cocotte. Vends le stup, tu zozotes, mais t'es toujours à l'écoute. Pourquoi le stup crie comme une mouette dans le mazout? Nous on est hyper sympa, super super super cool. On est doux comme des petits chats, beaucoup plus sympa que les autres. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Les morts vivants se lèvent quand le stup crève, crève. Grosse dédicace à tous les morts nés. Chaque attaque te plaque, mec si tu croyais que c'était mort. Non, non, la musique ça déchire, c'est le stup crew. Les morts vivants se lèvent quand le stup crève, crève. Grosse dédicace à tous les morts nés. Chaque attaque te plaque, mec si tu croyais que c'était mort. Non, je ris non, comme un fou non, quand non, tu cries pour le crew. Ça te casse comme la crow dans le chrome, je fais des trous. Ta mâchoire se décroche quand tu hoches la caboche mioche. Rate pas le coche, pauvre tâche, on te lynche. sauvagerie, c'est de la sauvagerie. Sauvagerie, c'est de la sauvagerie. Sauvagerie, c'est de la sauvagerie, oh oui. Vous êtes toujours dans l'101ème Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Molly's Lips de Nirvana, L'Envie de Zebda, Take It All de Winston McAnuff, Creepy Slug le nouveau Stupéflip, et on a fini ce bloc en live avec Sauvagerie de OTH. On continuera cette émission avec le prochain bloc qui sera pratiquement français, ouais, 100% français. On commencera avec Néandertal de GRM, c'est sur l'album Et nous, on est où, sorti en 2014. On retrouve Rockatimity, Sexe contre Sexe et No Comprendo. Maintenant, ce n'est plus Guitare Rouge Musique GRM, c'est Guitare Rouge tout court. Allez sur la page Facebook, il y a un YouTube, il y a un SoundCloud, il y a plein de choses. Toutes les infos sont sur sa page. On continuera avec une autre nouveauté, c'est une démo même, c'est Love Kills, le nouveau Foxhall. C'est sur une démo qui vient de sortir sur YouTube, qui s'appelle The Seven Fucking Letters, sorti en 2017. On retrouve Smoke the Rose, Vermin, Love Kills et d'autres suivront. Allez sur la page Facebook Les 4 Foxhall, il y aura toutes les infos dessus. Puisqu'on est dans le son démo et un peu crado, on écoutera ensuite La guerre est finie, un rare de Ludwig von 88. C'est pour Laurent Manet qui me l'a gentiment fait passer. C'est sur l'album dit Early Tapes, sorti en 1984, donc c'est une cassette. On retrouve Dans mes bras, Une autre journée et Wham. Merci à Laurent pour cette fabuleuse archive. Pour un grand fan comme moi, c'est un honneur de les avoir. On continuera avec une autre nouveauté, Welcome Home, le nouveau Noidem. C'est sur l'EP 5 titres A Time Will Come, sorti en 2017. On retrouve Welcome Home, Bring Me Down, Stay, Your Other Self, A Place to Live. Allez sur la page Facebook de Noidem, ils sont aussi sur Bandcamp, ils cherchent des dates pour jouer, contactez-les, ça serait une bonne idée, c'est un très très bon groupe de rock, ils chantent en anglais mais c'est un très bon groupe de rock. On finira cette émission, ce bloc, en live, avec L'hymne à l'amour, Moi le nœud de Jacques Dutronc. C'est sur l'album Live au Casino, sorti en 1993. On retrouve L'Opportuniste, Les Cactus, et moi, entre autres du son classique. Et tu vis androgyne. Tu es né en criant. Et tu vis dans le sang. Animal. Hey, Néandertal. En humain, mais tu vis androïde. Tu es né du néant et tu vas dans le vide. Fermez. Pour toi. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Moko, Céline à l'amour, moi le nœud. Vous êtes toujours dans la 101ème Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter un bon bloc là. Néandertal de GRM, Love Kills, le nouveau Foxhole. La guerre est finie, un rare de Ludwig von 88. Welcome Home, le nouveau Noidem. Et on a fini avec l'hymne à l'amour, moi le nœud, en live de Jacques Dutronc. On continuera cette émission avec Empire of Shames. De frustration, c'est aussi le titre de l'album sorti cette année. On retrouve Just Wanna Hide, Mother Earth in Rag et Cause You Run Away. Allez sur la page Facebook de Frustration, il tourne beaucoup, il y a moyen de les avoir, c'est un très très très bon groupe. On continuera avec une nouveauté, État d'urgence, le nouveau Vex, c'est aussi le titre de ce super beauté EP 4 titres, État d'urgence. Ces amants-là, je comprends plus et il faudra bien. Je les adore et j'adore leur son. Allez sur la page Facebook de l'Evex, ils sont sur Bandcamp et ils cherchent des dates aussi. Alors, amis asso, pensez à eux. On continuera avec un classique, In My Life de Steel Pulse. Et justement, le titre de l'album, c'est Vex. Étonnant, non? C'est sorti le 27 septembre 1994. On retrouve Back to My Roots, New World Order et Endangered Species, du son classique. On continuera avec un petit coup de soleil là, dans notre grisaille actuelle. C'est Miss Avalon de Toulouse, c'est sur l'album Alim Dofé, sorti le 12 juillet 2012. On retrouve Prends ça pour toi, Tellement l'amour l'effort et Pense cette zone si veut. Et oui, c'est du réunionnais et c'est excellent. Et on finira ce bloc en live avec Il boit du café de Pigalle, c'est sur l'album Pigalle Live, qui est sorti le 15 juin 1992. On retrouve dans la salle du bar tabac, en bas, en haut, et Franc Tireur. Et maintenant, ils font des albums pour enfants. Étonnant, non? Et ils sont en tournée. Et donc, cette chanson-là, Il boit du café, c'est pour célébrer mes 10 ans d'abstinence à l'alcool. We'll be right back. savoir vraiment pourquoi le sort s'est acharné sur toi. Pensée libre n'est plus de mise, l'expression est un poison. Le temps n'est plus aux cerises, le temps est à la soumission. Pourtant à l'ombre des lumières, à l'histoire qui savait manière, les chemins de l'évolution et des pistes de solution. Mais qui même emprunté en partie ont suscité quelques envies, des ententes et des compromis, de bons moments pour la vie. État d'urgence, état de siège, on est tombé dans un piège. Vous souriez plus, vous êtes filmé, la liberté s'en est allée. État d'urgence, état de manque, envie de faire sauter la banque, de balancer tout au tapis et d'oublier mes insomnies. L'espoir s'est envolé dans une étrange facilité. Les futures générations vont devoir payer l'addition. Les vieilles recettes sont à la fête, le Moyen-Âge est à la page. L'inquisition dans les étages nous fait sentir la défaite. Ceci est permis sans confesse, les fils sont devenus laisses. Les politiques sont en plastique et les hommes d'affaires pathétiques. État d'urgence, état de siège, on est tombé dans un piège. Ne souriez plus, vous êtes fumés, la liberté s'en est allée. État d'urgence, état de manque, envie de faire sauter la banque, de balancer tout au tapis et d'oublier mes insomnies. La nation est en danger, les causes sont identifiées, et ils en veulent à notre pognon, sous emprise de religion. Les coupables sont en cavale, invités dans les émissions. Des innocents prennent des balles, par conviction ou sans raison. C'est un constat, cruel fracas, on est en guerre, on savait pas. L'ennemi est-il réalité ou trop voyant pour se cacher? On n'a ni le temps ni le droit de se tromper de combat. Trop tôt pour aller se coucher, et pas le moment de lâcher. État d'urgence, état de siège, on est tombé dans un piège. Ne souriez plus, vous êtes filmé, la liberté s'en est allée. État d'urgence, état de manque, envie de faire sauter la banque, de balancer tout au tapis et d'oublier mes insomnies, mes insomnies, mes insomnies, mes insomnies, mes insomnies. Need you. pass me darling. Ready, we ready for just water your garden. Ready, we ready and that a no style locking. Ready, we ready, Joker and King talking. Pan tap I enough, respect is falling. Walk into my life, pan me knee. Skin slide, walk, lie. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Le jour m'a retourné. Mi va déjà tuer mon bébé. Pour la vie, moi l'été sérié. Mal à partir pour travailler. Mal à partir pour nous avancer. Mais si et tout, oublie pas moi. L'amour nous l'a partagé. L'amour qui nous l'a donné. Mais si et tout, oublie pas nous. L'amour nous l'a partagé. Et toutes sont difficultés. Partagé, l'amour qui nous l'a donné. Mais si et tout, oublie pas nous. L'amour nous l'a partagé. Et toutes sont difficultés. Mais si et tout, oublie pas moi. L'amour nous l'a partagé. L'amour qui nous l'a donné. Mais si et tout, oublie pas nous. L'amour nous l'a partagé. Et toutes sont partagé, l'amour qui nous l'a donné. Mais si et tout, oublie pas nous. L'amour nous l'a partagé, et toutes sont difficultés. Imaginez une soirée catastrophique. Vous êtes tout seul chez vous. On vous a coupé le téléphone. Bon, jusque-là, c'est pas trop grave. Et il n'y a plus de bière. Et il n'y a plus de vin. Et il n'y a plus de... Et non plus de... Quant au... C'est mon cran aussi. Et en regardant les stocks, il n'y a plus non plus de... En gros, la soirée est foutue, vous allez vous pendre. Mais brusquement, quand même, vous avez un réflexe. Vous ouvrez la petite armoire au-dessus du frigidaire. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière la pile d'assiettes? Oui, il en reste un petit peu dans le paquet. Vous êtes sauvés. Il reste encore un petit peu de café. Dans le café pour oublier qu'elle n'est pas là. Dans le café pour oublier qu'il est seul. Jusqu'à jamais plus quand il fallait être là. Dans le café pour pas penser à tout ça. Dans le café pour oublier qu'il est lui. Dans le café pour pas boire du whisky. Du café pour payer pour pas penser à tout ça. A toute cette trace, à tout ce qu'il a. A toute cette ambiance, on y rase. Tenir, diverser la casse. Tenir, diverser la casse. Dans le café, dans le café. Dans le café, dans le café. Dans le café, dans le café. Dans le café avec des gestes pieux. Bois du café, la main dans les cheveux. Bois du café avec les yeux humides. En se rendant sa salle, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Il boit du café italien bien serré. Il boit du café sans sucre bien bouillant. Il boit du café devant la fenêtre en baillant. En regardant les gens vivre, il se presser. Devant cette trace, devant ce qui lance. Devant cette ambiance sur les grâces. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Il boit du café, boit du café. Il boit du café, il boit du café. Il boit du café, il boit du café. Pour oublier qu'elle est pas là, bois du café pour oublier qu'elle est partie. Bois du café pour oublier qu'il est celui. Ce qu'a jamais pu quand il fallait être là. Il boit du café italien bien serré. Bois du café sans sucre bien bouillant. Il boit du café devant la fenêtre en baillant. En regardant les gens vivis se presser. Devant cette trace, devant ce qui lasse. Devant cette ambiance sur les grâces. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Il boit du café, boit du café. Boit du café, boit du café. Boit du café, boit du café. Café. Et quant à mes problèmes d'alcool, je tenais à remercier ma famille qui m'avait soutenu pendant ce dur combat. On vient de s'écouter Empires of Shame de Frustration, État d'urgence, le nouveau Vex, In My Life de Steel Pulse, Miss Avaloin de Toulouse, et on a fini ce bloc en live avec Il boit du café de Pigalle. Cette 101ème Vampire Fix touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Fix, l'émission radio. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On finira cette émission avec de l'instrumental Bloodsport de Killing Joke. C'est sur l'album Killing Joke, leur premier album sorti en août 80. On retrouve War Dance, Tomorrow's World et Primitive. Donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite et sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Fix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu!